Section 20 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e. Section 20. Les amours de Gilles. Livre 1er. Colombine par Louis Morin. Chapitre 3. Qui se passe dans la salle et sur la scène. Pietro était assis au premier rang des stalles. Il était là, comme chaque soir, sourd aux reproches de ses condisciples de la faculté de théologie, indifférent aux railleries de ses camarades des autres facultés. N'était-il point étonnant, en effet, qu'un futur abbé, l'un des meilleurs élèves de l'illustre père Gallo, passât toutes ses soirées sur les banquettes de la comédie, en adoration devant une divinité très païenne et absorbée sans doute dans les méditations les moins orthodoxes. C'était sa faute aussi, à ce père Gallo. Il donnait une étrange liberté à ses élèves. Tout le monde s'étonnait que cet homme austère permît aux gloires futures de l'Église de vivre dans la dissipation, comme les étudiants du droit ou des sciences. N'avait-il point l'habitude de dire qu'il désirait que ses disciples connussent le monde avant d'y renoncer? Il fallait toute l'autorité et toute la réputation de sainteté du recteur de la faculté de théologie pour faire accepter cette doctrine. Pietro profitait de la permission du recteur. Les Invia de Scott et de saint Thomas, la Bible et les commentaires des Sententiæ Rom restaient sur le rayon, jamais feuilletés. Depuis le soir où, par désœuvrement, il était entré avec ses camarades dans le théâtre nouvellement ouvert de Maître Cornelio. Il se rappelait ce soir-là. Séraphine avait paru sur la scène, en princesse de la Chine. Pourquoi lui avait-elle déplu tout d'abord, avec son manteau d'or, ses larges culottes bleues et ses petits souliers relevés à la pointe? Elle s'était jaunie la figure, rougie les lèvres, et d'un coup de pinceau avait retroussé ses yeux vers les tempes. Elle était une princesse cruelle. Elle avait décidé qu'elle prendrait pour époux le prince qui devinerait ses indéchiffrables énigmes. Ceux qui ne savaient répondre étaient impitoyablement mis à mort. Accouraient les fils de rois, princes persans et moghols, émirs arabes, rajas hindous et khans tartares. Tous se soumettaient de bon cœur à la terrible épreuve. Et les têtes tombaient l'une après l'autre sous le sabre du bourreau. Pietro avait quitté la salle avec un malaise. Pendant la nuit, il avait rêvé que la petite princesse de Jade venait lui demander son cœur pour se frotter les lèvres et les rougir, et il lui avait donné son cœur. Puis, il avait revu Séraphine en fausse innocente dans une pièce de Calderon, avec des yeux de braise sous une mantille pudiquement baissée, puis en Rosalinde, avec un charme étrange d'Amazone, puis en Vierge romaine, dans une pièce antique, puis en Marinette, avec une verve audacieuse de femme du peuple, puis en Gaïassa, en femme de Naples, brûlant les planches, incendiant la salle. Cette femme était toutes les femmes. Pietro retrouvait en elle les figures indécises qu'il avait vu passer dans ses livres. C'était elle, Amaryllis et Lydie. C'était elle, Iphigénie, Hélène, Briseïs, la Sculamite. Toutes les figures qui, nées dans les amoureuses visions des anciens poètes, ont d'âge en âge fait rêver les générations d'écoliers, en donnant à leurs adorations de vagues objets, pas plus troublants qu'il ne convient. Peu à peu, il s'était pris, jusqu'à la folie presque inconsciente qu'il avait faite de lui écrire. Séraphine avait raison. Les dévots des comédiennes oublient toujours que leur amour ne brille pas comme une étoile dans les obscurs rangs du parterre. Ils croyaient réellement qu'elle était depuis longtemps son amie. Et ce soir-là, Pietro était à sa place habituelle, très indifférent aux bruyants amusements de la salle, lorsque les acteurs parurent en scène. Ce fut d'abord un duo d'amour discret entre Isabelle et Lélio, et un dialogue plus libre entre Colombine et Arlequin, une scène en double partie, à la manière des scènes de Molière, puis la querelle d'Isabelle et de Pantalon. Le respectable bourgeois de Venise avait pour vanter les qualités de son ami le docteur de Bologne, des aphorismes pesants qui faisaient la joie des jeunes nobles du parterre. Pendant que la petite Isabelle pleurait, cachant ses yeux brouillés et rougie de son bras replié, et ne sachant que répéter « Non, mon papa, non, mon papa, je ne veux pas l'épouser », il arpentait la scène courbé, la pointe de sa barbe en avant, relevant du bras pour laisser voir son ventre d'écarlate, les plis de sa grande robe noire, et l'une après l'autre énonçait, d'une voix cocassement grave, les bonnes raisons qu'une fille a d'épouser un vieil homme. Il y en avait 50, toutes aussi mauvaises les unes que les autres, mais si drôlement dites que la tirade eut grand succès. Le premier acte terminé, la salle s'obscurcit, et les plaisanteries accoutumées recommencèrent, interrompues par la promenade du receveur qui passait dans les rangs, son rat de cave à la main, réclamant le prix des sièges. C'était un petit vieux agile qui répondait à toutes les plaisanteries, sans oublier un instant les devoirs de sa charge. D'aucuns se levaient, s'en allaient jusqu'à la porte du théâtre pour boire de l'eau fraîche anisée. D'autres mangeaient à leur place des oranges, des poires cuites, des échaudés ou des châtaignes que des fillettes offraient dans de grands paniers, pendant que les spectateurs des loges se faisaient servir du café et des glaces. Dans les conversations passaient les louanges de Pantalon, et les jeunes gens détaillaient les beautés naissantes qu'ils remarquaient dans la petite Isabelle. Elle reparut au second acte, la mignonne qu'un papa cruel voulait mettre dans les bras du pédant de Bologne. Elle était toute désolée et vaincue, avant même d'avoir tenté de résister, par le flot de paroles de M. Pantalon. Sa pauvre petite tête était perdue, incapable de rien inventer. Elle ne voyait autre chose à faire que d'obéir. C'est alors que Colombine reparut et conquit son public en trois paroles, par l'amusante crânerie de son allure. Tout de suite, on sentait qu'elle était l'action de la comédie, qu'elle allait à sa fantaisie, brouiller l'intrigue, faire naître quiproquo, jongler avec les sentiments des autres personnages. Sans godémie, mademoiselle, vous voilà tout de suite bien maîtrisée. Je crois vraiment que ce docteur n'est point tout à fait pour vous déplaire et que vous deviendrez volontiers madame la doctoresse. « Allez, allez, vous avez raison, vous serez une grosse madame, et dès à présent, ayant un mari d'âge, vous serez considérée comme si vous aviez 40 ans. C'est 25 de gagner sur votre vie. Ne me parlez point de ces jeunes maris qui ne pensent qu'à la fleurette. Le mariage, dites-moi, est-il une chose où il faille considérer l'amusement ? Avec monsieur le docteur, qui doit être un grand savant, vous aurez des genres de plaisirs qui ne sont point à la portée de toutes les femmes. Songez aux utiles entretiens que vous aurez avec lui les soirs. Quelque chose vous embarrasse-t-il que vous ne compreniez point ? Vite, vous demandez à monsieur le docteur, qui vous répond comme un livre et par le menu, que ce soit logique, morale, physique ou métaphysique, et vous donne les pourquoi et les parce que de tout ce que le commun voit sans le comprendre. Peut-être n'est-il point joli. Monsieur Pantalon nous a dit qu'il avait, du front au menton, une tache de vin qui nuit très légèrement à la beauté de son visage. Mais il nous a dit aussi qu'il est si riche et si sage que cela cache tous les défauts qu'il peut avoir, sans compter que ces défauts-là, même, mademoiselle, vous sont de sûrs garants de la fidélité de monsieur votre époux. « Ah, Colombine, tu me fais mourir !» soupira Isabelle, en défaillant dans les bras de la soubrette. « Pardonnez-moi, ma bonne petite maîtresse, et ne pleurez point comme cela. Ce que j'en disais était pouvoir clair dans vos sentiments. Mais croyez-vous que la manière dont vous vous y prenez soit bonne pour vous tirer des bras de monsieur le docteur et pour vous mettre dans ceux de monsieur Léliot? Ô Colombine, croyez-vous qu'il suffit que ce galant jeune homme entre ici par la petite porte, quand monsieur Pantalon n'y est pas, et que sous mon œil vigilant, il vous dise des douceurs en vous serrant les mains, si tout cela n'aboutit qu'à dire oui à monsieur votre papa? Monsieur, son ami le docteur, vous emmènera à Bologne, où il vous rangera probablement sur l'un des rayons d'une grande bibliothèque. Colombine, comment faire? Et, le sais-je, cependant je croyais que des amoureux qui s'adorent étaient très forts contre tout le monde. Je croyais qu'un jeune homme bien né et qui n'est point sans fortune pouvait prétendre à la main d'une jeune fille qu'il aime, malgré que le père de cette jeune fille les sans rime ni raison promise à l'un de ses amis. Et j'ai ouï dire que quelquefois les amants, dont la passion est bien vive, enlevaient leur maîtresse plutôt que de la laisser épouser par de vieux docteurs. Léliot n'osera jamais. Mademoiselle, l'aidez-vous beaucoup à oser. S'il veut surmonter l'effroi que lui cause une nouvelle entrevue avec monsieur Pantalon, que si rudement l'a éconduit, vous êtes la première à lui dire « Prends garde, mon cher Léliot, n'irrite pas mon père, je ne pourrai plus te voir et j'en mourrai. » C'est vrai, mais comment faire? Voulez-vous, ma chère maîtresse, me laisser agir à ma guise? Je jure bien que je vais être dégoûtée de vous, monsieur votre époux de Bologne. Se pourrait-il? Que Dieu t'inspire, Colombine, pense et agis pour moi. Depuis que mon père m'a condamnée à ce mariage, je sens que j'aime Léliot 100 fois davantage. Suivis la scène entre Colombine et Arlequin, dans cette pièce tout à la gloire du génie de Colombine. L'astucieux valet de Léliot n'avait point à déployer les ressources infinies de sa cervelle de singe, mais il comprenait à demi-mot et prestement apportait à son ami les habits de son maître. Dans la dernière scène du second acte, Colombine parut en travestie, et devant Isabelle, stupéfaite, esquissa le personnage mythique du comte de Casadoro qu'elle allait jouer avec le docteur à l'acte suivant. Quel murmure flatteur dans la salle au premier rond de jambes du comte. Séraphine s'avança jusqu'à la rampe et promena ses yeux sur la salle. Elle aperçut dans une loge le prince toujours masqué, mais il lui parut qu'entre les paupières rosées brillait une lueur inaccoutumée. Le regard de la comédienne parcourut ensuite les rangs des étudiants et s'arrêta sur un jeune homme qui la contemplait d'un œil fixe, comme s'il eût été figé par l'admiration. « C'est celui-là, Pietro, se dit-elle. » Fin de la section 20, lue par Margot.